T'as passé toute ta vie à attendre le bon moment. Puis là, c'est en train d'arriver. Puis t'es en train de capoter. 20 ans à te faire chier, à espérer que ça va marcher. Puis là, c'est en train d'arriver. Tu penses que c'est peut-être pas le temps. Peut-être c'est juste stressant. Peut-être que t'es stressé. Peut-être que t'as juste peur de passer pour un incompétent. T'aurais pu devenir docteur, mais toi tu voulais être un facteur. Le monde riait de toi au secondaire, mais toi c'est ça que tu voulais faire. Là t'es en avant du bureau de poste, tantôt tu vas rencontrer ton boss. Tu vois déjà dans ta chemise bleue, ton cœur bat, c'est dangereux. Peut-être c'est juste stressant. Peut-être c'est juste stressant. Peut-être que t'as juste peur de passer pour un incompétent. T'aurais pu devenir docteur. Et voilà, des vieilles tunes, des vieilles chansons. On poursuit avec c'est un set down un peu, mais je suis dans ce mode là aujourd'hui. Je vais bien, mais je suis un peu down. Ça arrive.